franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Comment évoquer Caen sans parler de ses édifices religieux, car on la nomme aussi la ville aux 100 clochers, Margaret. Et oui, Caen, c'est aussi de savoureuses anecdotes croustillantes. On se souvient en effet des bidasses en folie de Claude Zidi. Hein, l'histoire de cinq amis qui rêvent de monter un groupe de pop, mais qui sont convoqués pour leur service militaire. Et alors vont s'accumuler toutes sortes de catastrophes. Et on y voit aussi, d'ailleurs, l'église Saint-Pierre et l'avenue du 6 juin dans ce magnifique film. Et puis on se souvient aussi, eh bien, du débarquement en 1900 et des brouettes. Alors on passe de Caen à qui ? Oui, allô, allô, qui est à l'appareil ? C'est Simon. Bonjour Margaret. Bonjour Simon. Docteur, bonjour. Oui, bonjour docteur. Je vous appelle parce que j'ai un problème pas facile. Oui, mais si votre problème était facile, j'imagine que vous n'auriez pas besoin de nous. A priori. Oui, j'ai des difficultés. Il faut que j'essaye de... Putain. En fait, de ne pas me... Bon. Allez-y, allez-y. Voilà, j'ai un Gilles de la Tourette. D'accord, depuis longtemps ? Bah depuis tout petit. Ah, c'était dans la famille alors ? Oui, j'en ai hérité de mon père et qui en avait lui-même hérité de son père. Eh bien, on espère que votre fils en héritera. Ah bah non. Oh bah pourquoi non ? Il n'y a pas de raison qu'il n'en hérite pas. On m'avait dit que c'était pas automatique. Ah bah non, c'est pas automatique, mais ce serait quand même la moindre des choses, hein ? Vous l'avez accroché où ? Quoi ? Votre Gilles de la Tourette. Parce que nous, avec Margaret, on aime bien la peinture figurative. Mmh. D'ailleurs, on a une très belle nature morte. Ah oui, un verre de vin, une grappe de raisin. Et à chaque fois que je passe devant, j'ai envie de picorer un grain tellement c'est ressemblant. Hein. Ah oui, c'est magnifique ce tableau. C'est simple, on dirait une photo. Mmh. Alors évidemment, c'est pas un Gilles de la Tourette, mais il est beau quand même. Mais en fait, je crois que vous voyez pas ce que c'est que... Alors, Gilles de la Tourette, enculé. Écoutez... Monsieur, d'abord, je sais très bien à quoi ressemble un Gilles de la Tourette, merci. Et ensuite, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Alors, attention, monsieur, nous sommes à votre écoute, mais restons courtois. Hein ? Oui, non, mais en fait, pute, c'est un syndrome, Gilles de la Tourette, pute, connasse, pute. Oui, mais ça, on sait, monsieur, ça doit être très dur d'avoir un syndrome, et ce n'est pas une raison pour insulter les gens. Oui, non, mais c'est ça, ma maladie, c'est un syndrome qui provoque des tics verbaux. Je ne peux pas m'empêcher de dire des horreurs. Hein, je suis désolé, enculé, fils de pute. Oui, d'accord, alors autant pour moi, hein, je pensais que vous évoquiez un autre Gilles de la Tourette, mais par contre, monsieur, pas la famille. Oui, mais je vous dis, je contrôle pas fils de pute. Oui, et moi je vous ai dit pas la famille, monsieur. Pardon, merde, j'appelle juste parce que les médicaments de la merde, sont pas du tout aux putes, au point. Pute, et ils sont inhibants, enculés. Et j'ai plus d'énergie pour rien, et merde. Écoutez, monsieur, faites un jour sur deux, voilà, alors un jour vous faites des choses, en disant vos insanités, et puis l'autre, eh ben, vous prenez vos médicaments et votre entourage se repose en même temps que vous. Non, mais oui, mais c'est pas des insanités, salope, connard, c'est pas ce que je veux dire, ça sort tout seul, pute, enculé. Oui, mais nous, on les entend, ces mots-là, et même si c'est pas votre faute, c'est insultant quand même, hein, voilà. Non, mais vous êtes psy, pute, vous n'avez pas à me culpabiliser, merde, pute, merde. Non, mais il faut jamais culpabiliser, c'est très mal. Je crois qu'aujourd'hui, vous semblez particulièrement stressé, alors je vous conseille de prendre ces médicaments qui vous calment. Hein. Mais je les ai pris. Mais c'est comment quand vous les prenez pas ? C'est pire, pute. Bon, vous savez, Simon, quand nos enfants disent des gros mots, à part se laver les dents, on a instauré un petit système, notre système de Beaulieu, pour éviter de se faire agresser les oreilles. Alors, vous remplacez les vilains mots par d'autres. Alors, pour le mot de Cambronne, on dit mercredi. Vous pouvez dire aussi pu. Raie de pomme de terre ou espèce de gros canard. Voilà, c'est pas un petit peu plus joli ? Bon, j'ai comme l'impression que vous comprenez rien à ma maladie, en fait. Ah ben, en attendant, là, c'était nickel chrome. Non, mais c'est de temps en temps. Merde, c'est quand je m'énerve. Salope. Non, c'est Philippe là qui vous parle. Mais tout le monde a envie de dire des gros mots quand il s'énerve. Alors moi, il y a un truc qui me turlupine, hein, sans vouloir faire mon de la tourette. Autant un paralytique ne peut pas marcher, autant vous, vous nous dites que parfois tout va bien. Alors ça me paraît un peu curieux que vous ne puissiez vraiment pas vous empêcher de dire des gros mots. Vous êtes des ignares, merde, merde, vous n'y connaissez rien, pute. Pute, vous vous rendez responsable de ça, vous êtes vraiment deux gros connards. Ah, deux gros canards, Simon. Non, là, je voulais vraiment dire deux gros connards. Bah, comme quoi, quand il veut, il peut. Oui. Alors, en tout cas, aussi politesse bien involontaire de Simon, c'est de laisser la place à un nouvel auditeur. Allô ? Allô ? Pardon, c'est une auditrice. Bonjour, Margaret. Bonjour, docteur. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes... Noémie. D'accord. Alors, en quoi peut-on vous être utile ? Alors voilà, je voudrais vos conseils parce qu'il y a 4 ans, j'ai développé un sida. Oh. Ah oui, non, mais ça va. Hein. La trithérapie marche très bien. Ouais, mais c'est... Ouais. Non, c'est que... Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a eu un auditeur assez pénible. Ouais, là, alors du coup, le sida... Ah oui, on peut peut-être le garder pour demain, ça. Hein. Ça c'est pas contre vous, mais... Hein, en plus, demain, c'est le SIDAction. Comme ça, voilà. Ce sera moins inapproprié. C'est bon pour demain, vous serez encore là ? Oh bah, oui, je serai chez moi. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'urgence. Non. Bon, eh ben, c'est bien. Merci, Noémie. À demain, hein, sans faute. Hein. Voilà. Et puis alors, ben, désolé pour nos auditeurs. On sait que vous en avez assez de toutes ces grossièretés qu'on nous inflige dans les médias. Oh que oui, pardon pour eux. Et puis d'ailleurs, Louis Pelletier de Lamini, qu'on ne cite pas assez souvent, a dit « Tout se comprend, sauf la vulgarité ». Oui, et on l'approuve. Merci alors d'avoir poliment mis en onde cette émission, Yann Chouquet. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.